exemple finalement quelque part de concurrence qui favorise au final les outils qui sont mis à disposition des utilisateurs, je pense. Et on parlait d'armes, donc Nvidia qui souhaite acquérir ARM, mais ça sent le sapin, Guillaume. Oui, oui, ben je n'ai parlé. Oh pardon, je voulais pas mentir dessus. Alors on va plutôt parler. On va parler malheureusement des bas-fonds des jeux vidéo également, avec les sales histoires qui tournent autour de Blizzard, en première ligne de la désignation Bobby Kotick, Guillaume. Oui, oui, oui, oui. Non, mais t'as été eu parce que j'ai inversé le truc par rapport au conducteur. Oui, oui, complètement. Puis je regardais autre chose en même temps. Donc voilà. Puis après, il faut pas regarder du porno pendant l'enregistrement. Ça, c'est mal. Oui, ça, c'est, peut-être.